Ayo, je gratte du papier, la comatec, masque, il reste de la pub, comme il y a bu du pot pourri d'un mot. Indirect fourni sous forme de formalité, en guise de redevance, contrainte, du paiement tributaire après tribunal, pour le passage au tabac, du cas de l'étreinte d'un grain de pâte, en couche de couleur d'un blaze sur les enceintes, de la façade dès leur peinte, d'une palissade, de maintes briques crades, non sans feinte, qui est le mur d'une station de métro. Le terme c'est que je dédommage, je préfère dire que je remplis des fonds de caisse dans des poches de bord en guise de gage, par rapport à tout ce qui se met dans les fouilles tellement ils gagnent déjà des feuilles. Les sources de l'enquin sont différentes, c'est pour ça qu'ils en ont fait un recueil. Et si ce livre sale, ça s'appelle les lois, mon nom c'est l'article 6 du 7e paragraphe du code pénal. Je traduis tout dommage ou dégradation de patrimoine public ou privé s'ensuit d'un rajout d'un commentaire dans ton casier judiciaire, celui d'avoir embelli des murs blancs et moches d'un message. Et faut pas me prendre pour un con garçon, ça m'a apporté beaucoup de sécher le bahut. Même si maintenant je comprends pas le bloc du dico trou du cul, parce que si j'avais appris les cours de ton école, j'aurais cru que crime c'est synonyme de poésie. Ouais, je suis coupable de voir la vie en couleur, la ville, la nuit, la file des tympans teintés de diaz dans mes oreilles. Ouais, je suis coupable que les gens s'énervent sur un mur, surtout qu'ils s'y arrêtent pour la première fois afin de le contempler depuis qu'ils vivent dans ce quartier. Non, je suis innocent. T'as raison, c'est sûrement juste la phase passagère d'un jeune en manque d'attention qui fait sa crise. Ouais, je suis coupable que tu peux pas admirer par les vitres le beau tunnel noir, car j'ai défoncé ce train. Hey, pour ce dernier, j'ai vraiment pas d'excuses. En discrétion constante, mon équilibre est un appui sur une plateforme pressurisante. Un fat cap de bon augure, selon l'envergure de l'ombre planante de ce qui caractérise un mur, une déflagration latente en guise de signature, traductrice de la mise en œuvre d'une putain de culture, synonyme des déboires additionnels, de l'attitude rationnelle, d'une habitude passionnelle, des tardifs sévices d'une personne qui tire les ficelles, de l'écriture d'un motif sans exactitude. Mais qu'est-ce tu veux, c'est peut-être dans ma nature de pas faire dans le sens du poil. C'est pour ça qu'on me caractérise dans l'abstrait, au pluriel, mes défauts sont héréditaires, donc ta critique est personnelle. Tout comme mon vocabulaire n'a pas d'orthographe, et ma toile n'est pas de pastel. Ma crise n'est pas d'adolescence, parce que mon délire c'est pour la vie. Et si ma famille c'est ma femme, je l'ai faite cocu quand j'ai couché avec la ville. Au début, on se croisait chaque jour sans vraiment se connaître, et puis au fil des nuits, je flirtais avec ses bras. Au commencement c'était du sexe, elle connaissait même pas mon nom, gars. Relation aux accents timides, elle m'a dépucelé, m'offrant son corps, ne sachant pas comment m'y prendre. Je lui ai fait des cicatrices sur les vitres jeunes et hardcore. Ses larmes étaient ma satisfaction, alors dès lors, j'ai mis des apostrophes, des trémas, des accents circonflexes sur notre relation, afin que sa description rime avec amour et non plus sexe. Et les points d'interrogation ont laissé place aux points d'exclamation. Mes nuits furent de plus en plus longues et mes séjours de plus en plus courts. Je passais pour un étranger aux yeux de ma famille, pour rejeter la métaphore du mot sourd, jusqu'à ce que mon père m'a dit un jour, mon fils, si tu sors, c'est plus la peine de revenir là où tu dors. Trois petits points pour la situation en guise de temps mort. C'était ma concubine ou ma première femme, je te jure, j'ai pas hésité. J'ai choisi tout de suite la meuf qui m'aime, indépendamment de ce que je suis ou ce que j'étais. Et aujourd'hui, avec le temps, j'ai remis ma femme au premier plan, mon frère. Même si je flirte toujours avec mon âme en tout ouvertement. Mais où est-ce que t'étais? J'ai juste fait un tour, rien de spécial à part taguer dans les alentours. Pourquoi tu viens plus me voir? Excuse-moi, faut que je me couche tôt. Demain je dois bosser pour pas décevoir mes remparts. Mais où est-ce que t'étais? J'ai juste fait un tour, rien de spécial à part taguer dans les alentours. Pourquoi tu viens plus me voir? Excuse-moi, faut que je me couche tôt. Demain je dois bosser pour pas décevoir les miens. Frère, Mathias, dédicace pour toi, et pour Bastien, Mathias et Basti. Mon frère, yo mon frère, j'oublierai jamais les actions qu'on a fait. Arrête, c'est grâce à vous si je graffe aujourd'hui, que j'ai connu ça. Trop le kiff, l'amour, la passion. Malik, mon frère, acolyte anonyme, mes frères, Yassine, mon frère, F-Click, bébé. Et pardon pour tout ce que j'ai oublié. Peace. I'm out.